Hello, everyone. Welcome to French Pod. Today, we've got an intermediate lesson. It's called School Supplies. My name is JP. Je m'appelle Amaury. Bonjour, JP. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Everything's going fine. I'm in an especially good mood today because we're talking about school supplies. This is something that I love. I love school supplies. Eh bien, moi, c'est l'opposé. Oh, yeah. You don't like school supplies. Non, pas du tout. Donc, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Oh, no. Je n'aime pas cette leçon. Je le dis tout de suite. OK. All right, well, before we get started, why don't you tell us what our keyword is? Alors, le mot-clé, c'est cahier. Cahier. OK, this is the notebook? Oui. Right? OK, or your workbook. If you're in French class, your cahier is your workbook. Voilà, ça fait partie des fournitures scolaires. Mm-hmm. Your school supplies. Et maintenant, il est temps de découvrir plus de vocabulaire concernant les fournitures scolaires. Donc, on écoute le dialogue tout de suite. Viens ici, Antoine. Tu as la liste? On va vérifier qu'on a bien tout. Je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là, au fond du caddie. Alors, trousse complète, ok. Agenda, ok. Trois cahiers grand format, ok. Deux petits formats, ok. Deux classeurs. Je crois qu'on est bon. Oui, on peut y aller, maman. Attends, on a oublié le matériel pour l'art plastique. Les tubes de peinture et les feuilles blanches. Je ne veux pas aller au cours d'art plastique. Le directeur a dit que c'est bon pour développer ton sens artistique. C'est comme la musique. Je déteste la musique. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de t'inscrire au cours de piano avec Madame Lescure. On va le faire en rentrant. Je hais Madame Lescure. Et ma main, dans ta figure, tu l'aimes? Et nous revoilà. JP, je tiens à m'excuser. J'ai dit que je n'aimais pas le dialogue. Yeah, you like it now, don't you? J'aime bien la dernière phrase. Me too. Me too. Mais bon, d'abord, il y a Antoine, mm-hmm. qui n'a pas de chance, donc il se retrouve dans un supermarché okay. pour faire les achats de fournitures scolaires. Oh, that's my favorite time of the year. Mais c'est pas possible, JP. Tu ne peux pas dire ça. Your mom is going to buy me everything. Mais ça concerne quoi? Ça concerne l'école. Oh, yeah. Yeah, I know. Moi, je ne peux pas aimer les fournitures scolaires à ce moment-là. But it's new stuff. You know, and it seems like Antoine is a little bit more like you. Je crois aussi, oui. Yeah, he's not that excited about it. Oui, et on le sent directement avec sa mère qui lui dit, viens ici, Antoine, tu as la liste, on va vérifier qu'on a bien tout. Mm-hmm. Et là, Antoine, bon, il s'en fiche, on... Ouais, voilà, on sent qu'il n'est pas très content. Je ne sais pas où je l'ai mise. Oh, okay, he's so careless. He doesn't really carry that list with him, right? So he says, I don't know where I put it. And here we've got the verb mettre in the passé composé, right? Oui. So we're going to use the participe passé, the past participle, which is... Mi. Mi. Okay, now why is it mise? Et ici, c'est mise. Uh-huh. Parce qu'on a le complément direct, on a la liste. Oh... qui est représenté par le L apostrophe. Okay. When you have a direct object pronoun in front of the conjugated verb that's referring to a feminine object, oui. your past participle is going to agree with that object. Et donc, il s'accorde. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a mise. Okay, je l'ai mise. Oui. I don't know where I put it. Ça semble un peu compliqué, mais c'est simple en fait. On voit okay. d'abord, est-ce que c'est être ou avoir? Mm-hmm. Si c'est avoir... trouver le complément direct. Mm-hmm. And if it's before the conjugated verb, you make the agreement. Exactement. OK. Facile. Alors, il la trouve quand même. Mm-hmm. Elle est là, cette liste, uh-huh. au fond du caddie. OK, that shows exactly how important it is to him. It's at the bottom of the shopping cart, right? Oui. The caddie is the shopping cart? Oui. OK. C'est probablement lui qui l'a caché au fond du caddie. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette liste? Mm-hmm. Trousse. Complète. Okay, so this is your pencil kit, right? It's the case? Oui. Okay. Où on met les crayons, la gomme. Okay. Le Tippex. Yeah, the whiteout. Yeah, voilà. Okay. Voilà. Enfin bon, voilà, complète. Il faut qu'il y ait tout ça. Mm-hmm. Donc ici, c'est bon pour eux. Okay. Okay. Un agenda. Okay, this is the planner, obviously. Oui. Trois cahiers. grand format. Okay, so three notebooks. And here we hear our mots-clés, right? Cahier. Oui. Okay. And what kind of cahier are they? Grand format. Okay, so the big ones. Oui. Right, the large size. Okay. Deux petits formats. Okay, so two small ones. Oui. Okay. Deux classeurs. Okay, classeurs would be the folders, right? Où on range les feuilles. Right, right. Excitant, hein, tout ça? Je crois qu'on est bon. Okay, I think we're good, right? Oui. Donc, on a cette expression, on est bon. We're all set. Right? Exactement. Mm-hmm. Lui, il est tout à fait d'accord. Mm-hmm. Il dit, oui, on peut y aller, maman. All right, let's get out of here, mom. Oui. Et là, malheureusement pour Antoine, elle se souvient. Attends. Et là, Antoine, il doit se retourner. Fait. Donc, sa mère lui dit, mm-hmm. on a oublié le matériel pour l'art plastique. Ok, l'art plastique. What the heck is that, Amaury? Alors là, c'est... bon, vous savez, moi, je viens de Belgique. Mm-hmm. On n'appellerait pas cela ainsi en Belgique. Ok, what would you call it? Les cours de dessin. Ok, drawing class. Oui. Ok, and in France, they call it l'art plastique? Oui, parce qu'ils font aussi de la sculpture un peu. Ok. Bon, en Belgique, on fait un petit peu ça, mais c'est... On préfère appeler ça simplement les cours de dessin. Ok. En France, c'est l'art plastique. Ok. All right, so this is art class. Oui. Mais donc, ce n'est pas les cours théoriques, c'est des cours pratiques. Oh, OK. Ouais. Et comme c'est des cours pratiques, mm-hmm. c'est pour ça qu'Antoine a besoin de tubes de peinture. OK, the tubes of paint. Et des feuilles blanches. OK, so white paper. Ouais. Et là, il s'exprime. Et là, il dit, mais je ne veux pas aller au cours d'art plastique. He doesn't want to attend that class. Je ne veux pas aller au cours d'art plastique. OK. Mais c'est important, les cours d'art plastique. Oh, of course, yeah. Le directeur a dit... que c'est bon pour développer son sens artistique. Mm-hmm. Right, his artistic sense. Oui. OK. Et ça, c'est comme la musique. All right, it's just like music class, right? You got to develop your music skills. Oui. Je déteste la musique. Oh, come on, Antoine. You're killing me here. Je déteste la musique. Oui. Il n'est pas facile, hein? Mais bon, sa mère, on dirait qu'elle est habituée. Mm-hmm. Je crois que là, elle ne l'écoute plus. Right, elle right. dit, d'ailleurs, en parlant de ça... Ok, by the way, speaking of which... Right, en parlant de la musique... Speaking of that, now let's take a look at this structure here. We have the gérondif of parler. C'est bien ça. Mm-hmm. En parlant, this is speaking. J'ai oublié de t'inscrire au cours de piano avec Madame Lescure. Ok, I forgot to sign you up for piano class with Madame Lescure. Oui. Well, he hates music. Why is he going to piano class? Parce que c'est bon pour lui. Oh, okay, yeah. C'est bon pour développer son mm-hmm. sens artistique. À mon avis, c'est pas lui qui choisit. Donc, on va le faire en rentrant. Okay, so we'll do the sign-ups en rentrant. This is another gérondif. Oui. Okay, so this would be when we get back, right? Exactement. This is the verb rentrer, which is to go home. Oui. Okay, en rentrant. Et là, je hais Madame Lescure. Wow, this kid is a piece of work. Je déteste la musique, je hais Madame Lescure. Donc on dit bien je hais, qui vient du verbe haïr. Haïr. Oui, ça c'est l'infinitif, mais on prononce je hais, tu hais, right. il hait. Mm-hmm. So I hate, you hate, he hates. Oui. Détester plus utilisé. Okay. Je dirais, je déteste Madame Lescure, elle serait plus courant, mais comme on l'a déjà avant, on a donné l'autre possibilité. Ok, pauvre Madame Lescure. Ouais. Et là, quand même, sa mère en a marre. She's had it up to here. Elle dit, et ma main dans ta figure, tu l'aimes? Ok, and my hand on your face, you like that? Is that what you like? Is that what you want? Ok, so my hand on your face, basically, she's threatening to slap him. Voilà. Ok. Il a quand même exagéré, hein? Yeah, yeah. Folks, don't slap your kids. Non. Hopefully raise them properly and make them not hate their piano teachers. Allez, on se retrouve pour parler des fournitures scolaires. Yeah! Après le dialogue. Viens ici, Antoine. Tu as la liste? On va vérifier qu'on a bien tout. Je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là, au fond du caddie. Alors, trousse complète, ok, agenda, ok, trois cahiers grand format, ok, deux petits formats, ok, deux classeurs, je crois qu'on est bon. Oui, on peut y aller, maman. Attends, on a oublié le matériel pour l'art plastique, les tubes de peinture et les feuilles blanches. Je ne veux pas aller au cours d'art plastique. Le directeur a dit que c'est bon pour développer ton sens artistique, c'est comme la musique. Je déteste la musique. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de t'inscrire au cours de piano avec Madame Lescure. On va le faire en rentrant. Je hais Madame Lescure. Et ma main, dans ta figure, tu l'aimes ? I love school supplies. Tais-toi. D'abord, dis-moi ce que tu trouvais de vraiment si excitant dans le fait d'acheter tes fournitures scolaires. Because you have everything new, everything's blank. Everything's yours, mm-hmm. right? It's all about you. School supplies are not about mom, they're not about dad, they're all about me. Ok, donc c'était même pas à propos de l'école, c'était, tu pensais déjà à toi, mm-hmm. quand tu allais rentrer à l'école et les montrer à tes amis. Oh yeah. Ah ouais. I'm gonna have the coolest stuff, the coolest pencils, the coolest notebooks, oh yeah. Et tu prenais des cahiers ou des classeurs avec des voitures dessus. Oh, ou des, yes. Ouais, comme les petites filles prennent des cahiers avec des poupées ou des... Ouais. Or the bunnies and avec, kitties. Avec les lapins. Fuzzy animals, yeah. Mais tu te rends compte, JP, quand même, que les grands magasins, les supermarchés, mm-hmm. faisaient de la publicité pour ces fournitures scolaires. Oh, yeah. Déjà à la mi-août. Oh, yeah. Back to school shopping. Mais c'est horrible. Why? Parce que moi, j'étais en vacances. Oh, okay. Et je ne voulais pas entendre parler de fournitures scolaires, d'école, rien du tout. Really? For me, it's like, oh, it's finally time to go back to school shopping again. He's holding his head, folks. Ouais, et moi, ça m'a gâché mes vacances. Quand je voyais ces panneaux, je ne les regardais pas. J'ai été traumatisé. J'ai pissé l'inverse, il en garde un bon souvenir. Oh, yeah, yeah. Donc maintenant, à vous de nous dire si c'était plutôt une expérience traumatisante comme pour moi ou si c'est plutôt un bon souvenir comme pour JP. Mm-hmm. Donc venez sur la page de discussion, laissez-nous un commentaire, ça nous fera vraiment très plaisir. Tout à fait. Et ça nous permettra de continuer notre argumentation entre JP et moi. Mm-hmm. Sur ce, merci beaucoup, merci JP. Merci à toi. Je te déteste. Je t'ai. À la prochaine. Salut.